On rêve tous d'une autre vie, d'un paradis, nous on crève tous d'envie. Changer le monde mais trop insignifiant. On rêve tous de rires infinis, de voir s'instaurer dans chaque pays un semblant de démocratie. On s'élève avec si peu de voix contre les infamies, car qu'on ne vit qu'une fois. Quelques sourires parfois, souvent des pleurs de joie. Et le soleil brille malgré les tonnes de mauvais choix. Nous on l'a saccagé cette si belle planète. J'ai les messages mais pas assez décibels. Lycène l'homme orné dans les années hippies. Ainsi triste est le sort de l'homme insipide. Dans la masse, tu la prends avec ton cœur. Je suis prêt à effacer toutes mes rancœurs. On rêve tous d'une autre vie, d'un paradis où on crève tous d'envie de changer le monde et de rires infinis. Le bonheur est à portée de tous. La vie est courte et on peut la rendre douce. Gaïa nous parle à travers quelques secousses. Un système écologique serait notre escousse. Un peu de bon sens et de respect. Pas mal de comportements à délester. C'est pas pour moi que je suis inquiet, mais pour les suivants. Pour que les humains ne s'appellent pas un jour des survivants. Tant de chance. On rêve tous d'une autre vie, d'un paradis, nous on crève tous d'envie. Changer le monde mais trop insignifiant. On rêve tous de rires infinis, de voir s'instaurer dans chaque pays un semblant de démocratie. On s'élève avec si peu de voix contre les infamies, car qu'on ne vit qu'une fois. Quelques sourires parfois, on a souvent des pleurs de joie. Et le soleil brille malgré les tonnes de mauvais choix. C'est une insulte à l'évolution, cette bêtise infinie nous poussant à briser l'harmonie qui régnait au départ entre l'homme et la nature. Peu à peu ils se séparent, causant quelques fractures. Ils ont voulu nous diviser pour mieux régner. Ils ont assemblé le destin dans son entier. Le paroxysme de l'erreur sera en le jour où les plaies ouvertes arrêteront de saigner. Tant de chance.